Yuma, chapitre 13. Chez les deux Kersin, toutes les chambres avaient été mises à la disposition des fugitifs, toutes sauf une qui donnait sur la rue et où les hommes veillaient. Mais plusieurs femmes et plusieurs jeunes filles avaient préféré demeurer debout avec les hommes plutôt que de prendre quelque repos. En bas, les portes et les fenêtres étaient soigneusement barricadées et on décida d'éteindre toutes les lumières au passage de la foule. Puis on parla des événements du jour précédent, de la dernière élection, de l'histoire de certaines révoltes antérieures que les hommes les plus âgés se rappelaient fort bien. On discuta aussi le caractère des nègres. Ce dernier sujet provoqua une série d'anecdotes, les unes sinistres, mais la plupart fort drôles. Un planteur raconta l'histoire d'un de ses propres esclaves qui avait épargné assez d'argent pour acheter une vache. À la première nouvelle du changement politique qui s'était produit en France, il sortit la vache du champ et l'attacha au porche de la maison de son maître. « Beaucoup marée vache la maison ?» demanda le planteur. « Pourquoi attachez-vous la vache à la maison ?»« Moins qu'à marée vache la maison maître, Pouillot qu'a proclamé la République. Pision fois République a proclamé, ça fait taillon, c'est à toutes. Maître, j'attache la vache à la maison parce qu'il proclame la République. Et une fois que la République est proclamée, les biens de l'un sont les biens de tous. » Cette anecdote fit rire, malgré l'inquiétude générale. Puis la conversation prit un autre tour, et M. Desrivières raconta l'histoire de Yuma et du serpent, encore ignoré de plusieurs personnes présentes. La jeune capresse, qui, assise, tenait Mayotte sur ses genoux, se leva et quitta la chambre avant que M. Desrivières eût achevé son récit. Il la rejoignit quelques instants plus tard dans la pièce voisine, et, lui faisant signe de laisser l'enfant, il lui dit à voix basse pour que Mayotte ne l'entendît pas. « Yuma, ma fille, la rue est très tranquille en ce moment. Je crois qu'il serait plus sage pour vous de confier Mayotte à ma mère et d'aller passer la nuit chez nos voisins nègres. Je vous ouvrirai la porte. » « Pourquoi, maître ?» C'était la première fois qu'elle l'interrogeait ainsi. « Ma fille, répondit-il avec une caresse dans le regard, je ne puis vous demander de passer cette nuit près de nous. Nous courons tous un très grand danger, ajouta-t-il presque dans un murmure. Nous serons peut-être attaqués. C'est pour cela que je désire rester, maître. » Et cette fois, la voix de Yuma était ferme, distincte. « Oh, papa ! » s'écria la petite Mayotte en se glissant entre eux. « Ne la renvoie pas, je veux qu'elle me raconte des histoires. » « Petite égoïste, » dit Monsieur Desrivières en se baissant pour l'embrasser. « Et si Yuma veut partir ?»« Oh, elle ne le veut pas, n'est-ce pas, Da ?» demanda l'enfant, surprise, qui s'imaginait sans doute être à une fête quelconque. « Je resterai pour te raconter des histoires, » dit Yuma doucement. Alors M. Desrivières lui serra la main et la laissa avec l'enfant. Comme M. Desrivières l'avait prédit, la rue était fort tranquille. C'était une des voies les plus retirées de la ville. Pendant le jour, il n'y avait eu aucun attroupement. De temps à autre, des bandes de nègres y étaient passées en criant « À bas les béquets !» Mais depuis la tombée de la nuit, tout désordre avait cessé. Les citoyens osèrent eux-mêmes ouvrir leurs fenêtres et jeter un coup d'œil dehors. Ils entendirent l'appel des conques, sans en comprendre le sens, et ils crurent à une nouvelle effervescence du côté du port. Pourtant l'inquiétude s'accentua chez tous lorsque le bruit de l'eau qui courait dans les ruisseaux en pente, l'eau de la montagne qui purifiait toutes les rues, se fit soudain beaucoup plus violent que de coutume. « L'eau fait toujours beaucoup de bruit dans cette rue, » dit Monsieur de Kersin. « Elle est tellement en pente. » Mais Yuma entra tout à coup seule dans la chambre où les hommes parlaient entre eux. D'un geste, elle désigna la fenêtre et s'écria « Ce n'est pas l'eau !» Louis des Métis est d'une finesse extraordinaire à distinguer les sons. Tout le monde se tut et les hommes retinrent leur souffle pour mieux écouter.